branché à cadrer, s'en aller. À la tombée de la nuit, ils auront tout vidé, vidé les rivières, les forêts, les hivers. Si ça continue, dis-moi qu'est-ce qui va rester. J'ai rêvé d'un pays ouvert et sans fusil. On veut changer mes rêves pour des attachés caisses. Et j'avoue, c'est pas tout d'en parler. J'avoue, ça va me faire enrager. Je vais rester entêté, mais jamais résigné. Je vais jouer de la guitare avant que mes cordes soient rouillées. J'avoue, j'avoue, je vais jouer de la guitare avant que mes cordes soient rouillées. Ok. Ils ont vidé les mots pour en faire des slogans, affichés, colorés, portés à l'écran. Le mot passion en jupon pour vendre du savon, la pub, le siphonné pour en faire la lotion. Ajoute à ça les vestons, les violons d'occasion. J'entends à radio, ma passion c'est les citrons. Oh, j'avoue, c'est pas tout d'en parler. J'avoue, ça va me faire enrager. Je vais rester entêté, mais jamais. Parti pour la gloire, parti pour l'argent, dis-moi où ça va doubler. La survie ou l'ennui, qu'est-ce qui vient en premier? Je t'apprends rien en disant que c'est toujours les mêmes qui payent. Les riches encore plus riches, les pauvres encore plus pauvres. On est là sans brancher, à regarder, s'en aller. Oh! J'avoue, c'est pas tout d'en parler. J'avoue, ça va me faire enrager. Je vais rester entêté, mais jamais résigné. J'avoue, j'avoue, je vais jouer de la guitare avant que mes cordes soient rouillées. J'avoue, c'est pas tout d'en parler. J'avoue, ça va me faire enrager. Je vais rester entêté, mais jamais résigné. Je vais jouer de la guitare avant que mes cordes soient rouillées. J'avoue, j'avoue, je vais jouer de la guitare avant que mes cordes soient rouillées. J'avoue, j'avoue, je vais jouer de la guitare avant que mes cordes soient rouillées.